émission spéciale aujourd'hui en direct et en public de la Biennale d'Art Contemporain à Lyon, ici à la Sucrière, l'occasion rêvée pour nous d'examiner le rapport d'amour, d'envie, de désir, parfois de colère ou de rejet qu'entretiennent l'art et les sciences. Longtemps confondues, la rupture est consommée à la Renaissance. Il ne faudra pas longtemps pour que les progrès techniques accompagnent la création artistique et que la révolution industrielle ne conduise les artistes à interroger la place de la science dans nos sociétés, quitte à lui emprunter ses savoirs, ses techniques et ses techniciens. L'art contemporain et le postmodernisme scellent-ils la réconciliation, le retour de l'artiste scientifique et la fin du divorce ? Biennale de Lyon, quand l'art dialogue avec la science, c'est le vaste problème que nous nous proposons d'examiner dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour examiner ces liens indissociables, on pourrait presque dire incestueux, entre art et science, nous avons le plaisir d'accueillir ici, donc à la Sucrière, à Lyon, deux artistes. Léonore Ray, bonjour. Bonjour. Thierry Boutonnier, bonjour. Bonjour Nicolas. Et ainsi, vous nous parlerez tout à l'heure de vos travaux, de vos projets individuels. Nous avons également le plaisir d'accueillir Laurent Baridon, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire de l'art contemporain à l'université de Lyon 2. On vous retrouve tous les trois dans une petite dizaine de minutes, car vous le savez, la marche des sciences est une marche ininterrompue. Et comme chaque vendredi, nous retrouvons celle qui transforme l'actualité des sciences et de la recherche en une performance artistique chaque semaine renouvelée. C'est Zoé Svez qui nous attend à la Maison de la Radio à Paris pour le Journal des Sciences. Bonjour Zoé. Bonjour Nicolas, bonjour à tous, bonjour Lyon. Bonjour. Le Journal des Sciences. Et pour commencer, on revient tout d'abord sur les deux séismes qui ont secoué le Mexique les 7 et 19 septembre dernier, qui confirment les spécificités géologiques du sous-sol de cette région, Zoé. Oui, alors on connaît depuis longtemps la situation géologique de la région, qui est très propice aux séismes, puisque Mexico, on le sait, est à l'aplomb d'une zone de subduction, c'est-à-dire que c'est l'une de ces régions du globe où il y a une plaque océanique qui plonge sous le continent, dans le manteau de la Terre. Et la Terre a tremblé deux fois ce mois-ci au Mexique, donc une première fois dans le sud du pays, dans la région d'Oaxaca, avec des secousses de magnitude 8,2, c'est beaucoup. Puis à nouveau, donc le 19, c'était mardi dernier, cette fois à 120 km de la capitale Mexico, avec une amplitude moindre, 7,1 sur l'échelle de Richter, mais qui a fait plus de victimes. On a 225 morts selon le dernier bilan, puisqu'en fait l'épicentre de ce séisme était beaucoup moins profond. Il était seulement à une soixantaine de kilomètres de la surface. Deux tremblements de terre évidemment qui ont renvoyé toute la population de la ville à celui de 1985, qui avait fait 10 000 morts à Mexico et qui s'était produit, c'est ça qui est fou, 32 ans jour pour jour auparavant. Et pourtant, ces deux séismes qui se sont produits en septembre n'ont pas grand-chose à voir, géologiquement parlant, si on peut dire, avec celui de 1985. C'est ce que m'a expliqué Paul Earle, il est sismologue à l'UCGS, le très puissant institut géologique américain qui surveille toute la région et qui a équipé tout le Mexique en sondes sismiques. These two earthquakes are not what you typically see. Ces deux séismes ne sont pas des séismes tectoniques classiques. Dans la plupart des cas, quand on est dans une zone de subduction, les séismes se produisent aux limites de deux plaques. En l'occurrence, dans cette région, on a la plaque océanique Cocos qui est en train de passer en dessous de la plaque nord-américaine. Et les plus gros séismes qu'on ait connus, comme celui très meurtrier qui a touché Mexico il y a 32 ans, se produisent en général à la limite de ces deux plaques, et donc au large des côtes. Mais là, ce n'est pas ce qu'il s'est passé. Les deux séismes qui ont eu lieu au Mexique ces derniers jours se sont produits au sein même de la plaque Cocos, celle qui est en train de bouger sous la plaque nord-américaine. Comme elle est en train de bouger, elle est très tendue, et c'est ce qui a provoqué ces séismes. Pour mieux comprendre, imaginez que la plaque Cocos est un petit bâton de bois et que vous êtes en train de le plier. Plus vous le pliez, plus il y a de tension dans la partie haute du bâton et il finit par se briser en de multiples petites brèches. Et c'est ce qui s'est passé. Les deux séismes sont des brèches dans la plaque Cocos. Voilà, alors ces deux tremblements de terre confirment que la zone de subduction entre cette fameuse plaque Cocos et la plaque nord-américaine se fait en fait de manière assez inédite, puisqu'il y a donc Cocos qui plonge, mais à un angle très très faible. Elle plonge sous la plaque nord-américaine, presque à l'horizontale, d'où les grandes tensions intra-plaques, c'est ça le terme qu'on utilise, et ces deux séismes. Mais deux séismes qui soulèvent aussi de nombreuses questions, hein. Ils confirment cette théorie, mais l'une des questions qu'on se pose, c'est de savoir pourquoi ces deux séismes ont eu lieu, est-ce qu'ils sont connectés ou non, parce qu'en effet, il est très rare d'avoir deux séismes qui surviennent à plusieurs centaines de kilomètres et à plus de deux semaines de distance, comme le note Robin Lacassin de l'Institut de physique du globe de Paris. Est-ce que c'est une coïncidence? C'est tout à fait possible. Ou est-ce que le premier séisme a, en quelque sorte, déclenché le suivant? C'est très difficile de répondre à cette question. Ce que l'on sait, c'est que lorsqu'on a un gros séisme, ça perturbe les forces autour de la faille qui a rompu à des distances de quelques centaines de kilomètres. Donc ça peut se calculer. Là, on est plutôt trop loin. La distance entre les deux séismes, si on fait ce genre de calcul, la perturbation du premier séisme est extrêmement faible et a priori pas à même d'avoir déclenché le deuxième. Donc si ça se trouve, c'est une pure coïncidence. Et puis, les questions se posent beaucoup de géologues, sismologues, etc., c'est quelle est l'interaction entre ce type de séisme, donc qui casse la plaque elle-même, à l'intérieur de la plaque, et les grands séismes, qui sont encore de magnitude encore supérieure, les grands séismes sur l'interface de subduction, hein, qu'on appelle les méga-chevauchements. Et ça, c'est des questions ouvertes, on ne sait pas encore est-ce que les séismes du type d'aujourd'hui peuvent retarder ou avancer, changer la magnitude des séismes futurs sur cette interface. Donc ça, c'est une question scientifique ouverte et évidemment, on va travailler là-dessus. Et en bref, les laboratoires Biogarant, filiale du groupe pharmaceutique Servier, a annoncé mercredi qu'il va remettre sur le marché son ancien générique du Levothyrox, le médicament qui est administré en cas d'hypothyroïdie, d'ici deux mois et demi, donc pour fin 2017. Plus de 63 plaintes contre X ont été déposées par des patients contre la nouvelle formule de ce médicament qui a été mise sur le marché depuis le printemps dernier et qui serait à l'origine de nombreux effets secondaires lourds. Et enfin, une enquête de la Société française de la dermatologie parue hier, indique qu'un tiers des Français souffrent de maladies de la peau, avec en tête évidemment l'acné, puis l'eczéma, suivi de la dermite atopique, maladie qui générerait, c'est un chiffre intéressant, chez 54% d'entre eux, une grande souffrance psychique, due notamment à l'isolement social que ces maladies génèrent. Deuxième sujet cette semaine, Zoé. Dans un rapport paru ce mercredi, l'Organisation mondiale de la santé met en garde contre un très grave manque de nouveaux antibiotiques et appelle à prendre la mesure de cette urgence sanitaire. L'OMS, qui avait déjà tiré la sonnette d'alarme sur l'augmentation de la résistance aux antibiotiques en publiant en février dernier la liste des 12 familles de superbactéries contre lesquelles il est urgent de développer des nouveaux traitements, au premier rang desquels figurent toutes les bactéries qui causent la tuberculose. Bactéries résistantes aux antibiotiques qui pourraient tuer jusqu'à 10 millions de personnes par an d'ici 2050, soit autant que le cancer. Or, le rapport qui est paru ce mercredi montre que la recherche en matière d'antibiotiques est totalement délaissée par les laboratoires pharmaceutiques, parce qu'ils ne rapportent pas assez d'argent, les antibiotiques. Les laboratoires leur privilégient notamment les traitements contre des maladies chroniques qui sont plus lucratifs, et que la recherche est beaucoup trop en retard. Sur 51 nouveaux produits antibactériens qui sont aujourd'hui en développement clinique recensés par l'OMS, seuls 8 sont jugés innovants selon les critères de l'Organisation mondiale de la santé. Tous les autres ne font que développer des agents dont on sait qu'ils généreront très vite des résistances. Il faut tout revoir dans notre manière d'appréhender les bactéries, explique Jean-Pierre Pacot. Il dirige le Global Antibiotic R&D Partnership, qui est un organisme de recherche sur les antibiotiques qui travaille avec l'OMS sur la question. Le génome de la bactérie, qui est un être vivant extrêmement résistant, puisqu'il est sur la planète depuis 4 milliards d'années, ça veut dire qu'il a à peu près optimisé une quantité faramineuse de processus pour être capable d'envahir toutes sortes de milieux. Donc, d'une part, les classes d'antibiotiques actuelles, en fait, il y en a très peu. C'est étonnant, mais en fait, on a peu, disons, de cibles que l'on a identifiées chez les bactéries qui permettent de les contrôler. On a des agents qui vont, par exemple, interférer avec la synthèse des protéines. Il y a des agents qui vont agir directement sur la paroi de la bactérie, donc c'est par exemple les pénicillines. Mais finalement, il s'avère qu'on n'a pas une multiplicité de cibles thérapeutiques. On parle de modes d'action, d'activité sur la paroi ou sur la synthèse protéique. Ça, c'est des modes d'action. Encore une fois, trouver de nouveaux modes d'action s'avère extrêmement compliqué, beaucoup plus compliqué qu'on l'imaginait. Et la nouveauté viendrait de nouveaux modes d'action, parce que là, finalement, les thérapeutiques qui cibleraient ces nouveaux modes d'action pourraient ne pas être soumis immédiatement à des résistances préexistantes. Ça montre bien qu'il faut réinvestir dans la recherche fondamentale parce qu'on ne connaît pas assez. L'OMS qui préconise donc plus de 800 millions de dollars par an d'investissement dans la recherche publique pour trouver de nouveaux médicaments. Et en bref, cette découverte surprenante en Australie, des biologistes marins ont découvert dans la baie de Jarvis une ville de poulpes, des poulpes Treticus dont on pensait qu'ils vivaient en solitaire, en ermite. Ici, il y a plusieurs dizaines d'individus qui communiquent, qui résident ensemble. Cette ville a été baptisée Auclantis par les chercheurs et elle tend à prouver que les invertébrés, eux aussi, peuvent vivre en société. Autre découverte importante pour comprendre cette fois les origines de la vie, des traces fossiles d'environ 500 millions d'années retrouvées au Brésil, des mini-terriers creusés par des vers pas plus larges qu'un cheveu humain. Selon les chercheurs, ces petits animaux auraient été les tout premiers à pouvoir onduler pour pouvoir se frayer un chemin à travers les sédiments. Et enfin, dans notre rubrique Science improbable, cette superbe innovation si chère à vous, Nicolas Martin, vous nous en avez beaucoup parlé, que l'on doit à la firme Nippon Next Technology, qui nous donc présente ce chien renifleur de pied, un chien robot qui se prénomme Hana-chan, joli petit nom, qui mesure 15 cm de long et qui, après avoir respiré vos pieds avec sa truce artificielle, se prononce en adoptant des postures différentes en fonction du niveau de puanteur ressenti. Il s'accroupit si vos pieds sentent bon et il va jusqu'à s'effondrer littéralement si la pestilence est insupportable. Alors quel intérêt de ce robot si on a un nez qui fonctionne ? On ne sait pas trop, on sait en revanche que la prochaine version de ce chiot sera capable de pulvériser du déodorant. Quelle belle nouvelle! Oui, puis on est à deux doigts de la performance artistique, ce qui me permet de faire une transition parfaite. Merci beaucoup Zoé Sfez, on vous retrouve la semaine prochaine pour le prochain Journal des Sciences. Avec plaisir. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Pas de robot renifleur de pied ici à la Sucrière où nous sommes en direct et en public à Lyon pour la Biennale d'Art Contemporain. Nous nous sommes fixés un autre objectif, peut-être un peu plus ambitieux, qui est celui d'examiner les rapports entre les dialogues entre la science et les arts. Alors à défaut de faire une émission qui serait une performance de plusieurs dizaines d'heures pour tenter d'approcher une forme d'exhaustivité de la question depuis les premières formes d'art pariétal, est-ce que c'était de l'art, est-ce que c'était un recensement naturaliste, allez savoir. Nous allons tenter en tout cas de parler aujourd'hui d'art contemporain et de la pratique artistique que nous allons interroger de nos deux invités artistes ici présents, Léonore Rey et Thierry Boutonnier. Mais avant cela, je me retourne vers Laurent Baridon, donc professeur d'histoire de l'art contemporain à Lyon 2. Art et science, hein, je le disais dans l'introduction, dans la présentation de cette émission, c'est un topos vieux comme l'histoire de l'humanité. Peut-être qu'on peut tout de même poser quelques jalons, parce que pendant longtemps, être artiste et scientifique, c'était la même chose, c'était la même nature de travail. Absolument. C'est vrai que depuis la Renaissance, notamment, il n'y a pas de différence très nette entre le travail des artistes et le travail des scientifiques. Très souvent, les artistes sont de très bons techniciens qui, évidemment, ont besoin des scientifiques pour améliorer justement leurs données techniques. Mais il y a la pratique, il y a les discours. Et de plus en plus, on voit effectivement dans l'histoire de l'art, depuis la Renaissance, des discours qui visent à autonomiser l'art, hein, c'est la fameuse question de l'autonomie de l'art. Or, ces discours conduisent, par exemple, au début du XIXe siècle, à l'art pour l'art, une doctrine que Théophile Gautier porte dans les années 1820 et qui, en principe, rend l'art complètement inutile, c'est-à-dire que ce qui est utile est laid en réalité pour lui. Et là, il y a évidemment un problème de rapport entre l'art et la société, et puis de rapport entre l'art et la technique. Donc, sans doute, il y a comme ça des moments de crise, hein, c'est pas des révolutions, mais des moments de crise, à la Renaissance tout d'abord, à la fin des Lumières. La crise, elle provient aussi du fait de l'histoire des sciences, hein, puisqu'évidemment, il faut prendre en compte le côté scientifique. Et ce qui se passe à la fin du 18e, au début du 19e, eh bien, c'est une spécialisation qui conduit au positivisme. Et cette spécialisation, elle va un peu à l'inverse du travail des artistes qui, eux, au contraire, dans le contexte du romantisme, vont vers le grand tout, vers une sorte de grande synthèse. Voilà. Donc là, c'est un moment de crise aussi, un moment de passage qui est très important. Et ce sont des débats, évidemment, on ne peut pas simplifier les choses à ce point. En face des partisans de l'art pour l'art, il y a au contraire des partisans d'un art social qui lie fortement l'art et la société, l'art et la technique. Je pense en particulier aux Saint-Simoniens, qui ont été souvent des ingénieurs, et Saint-Simon décrivait la société comme un cortège en tête duquel marchaient les savants, les artistes et les industriels. Et ils devaient collaborer pour ouvrir la voie à une société nouvelle. Les artistes étaient à l'avant-garde, disait Saint-Simon, hein, et le mot d'avant-garde a été repris ensuite, évidemment, pour les avant-gardes historiques. Donc il y avait cette idée d'interpénétration de l'art, de la technique, de l'économie et de la science, hein, qui était portée par ceux qui étaient convaincus qu'il y avait un art social. Donc ça, c'est un moment, effectivement, très important, qui accompagne aussi la découverte de la photographie, de nouvelles données techniques qui vont permettre de renouveler l'art. Mais, pour en rester toujours au discours, hein, ces fameuses avant-gardes qui sont inventées un peu conceptuellement dans la première moitié du 19e siècle, elles deviennent réalité au début du 20e. C'est les fameuses avant-gardes historiques hein, qu'on connaît tous. Et dans ces avant-gardes historiques, du moins dans certaines d'entre elles, il y a au contraire une sorte de refus de la technique, ou du moins une mise à distance de la technique, ou une volonté de trouver de nouvelles techniques. Et ça entretient une sorte de méfiance envers la technique, la technologie et les sciences, avec une idée un peu d'un art pur. Hein. On pense à Duchamp, par exemple, hein, voilà, ou à Picasso qui ne veut plus peindre. D'autres données techniques, une sorte de refus de la technique, mais qui conduit aussi à une forme d'esprit de recherche qui est proche de l'esprit scientifique, c'est-à-dire qu'on a aussi un passage peut-être qui est très intéressant pour nous, qui va de la technique à la science, peut-être la science pure plus que la science appliquée. Donc ça, c'est un autre moment, à mon avis, tout à fait fondateur de ces rapports art-science. Et puis on peut pour avancer un peu dans la chronologie, dire qu'au moment de la révolution industrielle, la notion de progrès devient une notion dont s'empare l'art moderne. Pour le critiquer, la science devient une matière à créer, en quelque sorte. Oui, la science devient une matière à créer dans la mesure où on peut lui emprunter des applications, c'est ça, de la technologie. Alors, d'une part parce qu'on peut lui emprunter des applications, d'autre part parce que ça devient un sujet qu'on dénonce, qu'on critique, oui, qu'on s'approprie, qu'on loue. Enfin voilà, le progrès en tant que notion. Absolument. Alors c'est ce qu'on appelle parfois le scientisme, hein, cette attitude qui consiste à emprunter à la science des raisonnements, des résultats, avec parfois pas mal d'approximations, hein, et des intentions qui sont en effet parfois critiques. Bon, je peux citer par exemple un architecte, hein, comme Viollet-le-Duc au XIXe siècle, qui restaure les cathédrales, hein, la cathédrale Notre-Dame de Paris, la cité de Carcassonne, et qui les restaure sur le modèle de la paléontologie, c'est-à-dire qu'il va emprunter ces modèles conceptuels à la paléontologie, au grand débat scientifique de la première moitié du XIXe siècle pour concevoir comme ça la restauration. Il va même jusqu'à proposer une restauration du massif du Mont-Blanc pour retrouver l'état originel du massif. Donc c'est vraiment effectivement une attitude qui se calque sur les sciences. Parfois c'est amusant, parfois ça l'est moins. Hein. Viollet-le-Duc s'inspire de l'anthropologie raciale pour faire une histoire de l'architecture qui est extrêmement raciste, en suivant bien sûr la science de son temps, la plupart de ses contemporains en tout cas. Pour revenir au XXe siècle, à quel moment la science, l'avancée des techniques et des technologies commence à donner aux artistes de nouveaux outils, de nouveaux moyens d'expression, et quels sont les grands noms qui d'un seul coup vont s'intéresser précisément à ces avancées techniques? Alors, Il faut effectivement distinguer quand même toujours la science, la technique, et plus spécifiquement au XXe siècle, la science et la technologie. Mm-hmm. C'est vraiment la grande affaire quand même de la deuxième moitié du XXe siècle que de penser d'une façon technologique et plus seulement technique. Donc Tony approuve. Oui, oui. Donc la technologie, c'est un ensemble de techniques en réalité, hein, complexes qui interagissent pour créer en effet de nouvelles actions, de nouveaux modes d'action, de nouveaux objets. Donc c'est effectivement un rapport qui est beaucoup plus compliqué. Alors quand est-ce que ça se met en place? Quand même quand on voit apparaître des technologies qui touchent l'image, et en particulier la vidéo par exemple, hein, et là on voit émerger l'art vidéo qui est quand même à mon avis un art technologique, qui est un peu à l'origine de l'art technologique. Et puis aussi on voit quand même, il faut pas simplifier trop, parce qu'on voit aussi que certains artistes, en tout cas, sont un peu prométhéens. C'est-à-dire qu'on voit apparaître chez des artistes des techniques ou du moins des sujets qui vont se retrouver dans la pratique scientifique et sur le devant de la scène. Alors c'est la fameuse préscience des artistes qu'on a déjà pointé dès le 19e siècle. Ça, on peut discuter peut-être de cette réalité. En quoi est-ce que les artistes portent en quelque sorte le progrès scientifique ou du moins dialogue avec les scientifiques? Peut-être Thierry Boutonnier, un mot justement sur cette distinction entre le lien entre l'art et la technique et l'art et la technologie. La technologie peut être une aliénation pour vous dans votre démarche artistique ou au contraire un outil? Alors, clairement, pas d'aliénation. En tant qu'ancien élève de Bruno Latour, il s'agit d'être assez précis et de rentrer dans la complexité avec amour, quoi. Donc, par contre, pour simplifier un peu et avoir une vision un peu plus anthropologique de l'art, je trouve que le terme, la traduction latine, art, ça veut dire faire. Et en soi, faire convoque des techniques et un ensemble de techniques qui renvoie donc du coup des technologies. Par contre, ce qui importe, c'est comment, il me semble, à travers donc le faire, on augmente les degrés de sensibilité qui permettent d'avoir une perception qui est un peu plus aiguë et une perception qui après inviterait peut-être à davantage d'intuition. Et cette intuition servirait autant pour des artistes qui en font le fond de leur travail, mais servirait aussi tout un chacun, et y compris les scientifiques qui ont besoin d'avoir une perception développée et une intuition qui soit prolifique, avec des associations d'idées, etc. Donc, j'en parle de termes abstraits, mais je pense que c'est important de parler sur aussi des cas pratiques. Léonore, peut-être aussi un mot sur la façon dont on utilise, on s'approprie, on fait sien, ou au contraire, on se défie des nouveaux moyens mis à votre disposition aujourd'hui par les avancées technologiques dans votre démarche d'artiste? Alors moi directement dans ma démarche d'artiste, je ne travaille pas avec les sciences pour le coup, mais c'est vrai que j'ai travaillé 2 ans dans le studio de création de l'artiste français Pierre Huyghe, qui développe depuis ces dernières années une pratique qui s'oriente de plus en plus vers les sciences, que ça aille de l'entomologie à la paléontologie justement, ou la biologie cellulaire, donc il va, et même jusqu'aux nouvelles technologies, c'est-à-dire ça va jusqu'à contacter des entreprises au fin fond du Japon qui sont en train de travailler sur des technologies qui ne sont pas encore au point, mais comment on peut déjà travailler ensemble en fait, même à un stade où la technologie n'est peut-être pas encore avancée, ou en tout cas la chose n'est pas encore rendue publique. Donc je dirais que, de mon expérience en tout cas avec lui, je pense que travailler, un artiste, travailler avec des scientifiques, c'est une manière, comme vous le disiez, c'est de la recherche en fait. Un artiste, il fait aussi de la recherche. Donc pour lui, aller vers le milieu scientifique, ça peut paraître naturel, s'il en a l'intérêt. Ensuite, je pense qu'il y a une... Pardon, je suis en train de... Est-ce que vous diriez que l'un et l'autre, Léonore, Thierry Boutonnier, qu'il y a une nécessité d'appropriation, de faire sien ces nouvelles techniques, ces nouvelles technologies, peut-être pour les retourner contre elles-mêmes, pour en dire quelque chose, pour les utiliser comme une nouvelle matière? C'est une question ouverte. Alors moi, je dirais pas une appropriation dans ce sens-là. Je pense qu'il y a une envie de travailler avec, et d'essayer de pousser sa pratique au-delà de ce qu'ils ont l'habitude de faire et au-delà de ce qu'eux-mêmes ils peuvent penser, puisqu'en fait un artiste n'est pas un scientifique, donc à partir de là il y a plein de choses qui lui échappent. Et travailler avec un scientifique, ça peut lui permettre d'aller plus loin dans ses idées justement, et de voir au-delà de ce qu'il avait en tête, quoi. Le terme avec est fondamental. Je rajouterais que il y a une question de nécessité aujourd'hui, et il ne faut pas voir la nécessité comme quelque chose d'accablant, mais comme au contraire, une alliance qui peut être prolifique, c'est-à-dire qu'on vit cette question de l'anthropocène, on subit le dérèglement climatique de plein fouet, la question de la crise d'extinction massive de la biodiversité pose d'énormes problèmes de santé publique, et pour avoir les interactions qu'il y a, il y a des problèmes aussi de faim et d'alimentation. Donc, si les artistes s'associent pas, s'allient pas aux scientifiques pour essayer de faire évoluer les représentations des différentes activités humaines pour être un peu moins croyants et un peu plus dans l'exercice du doute et un peu plus du coup curieux, ouvert sur l'autre, dans sa différence, etc. C'est, je pense, nécessaire. Vous diriez qu'il y a une sorte de nécessité politique à faire chemin, à renouer ce lien avec la communauté scientifique. En tout cas, pour ma part. Oui, après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Léonore, vous approuviez. Oui, je pense qu'il y a une nécessité. Je ne pense pas que de la part de l'artiste, elle soit nécessairement politique, mais je pense qu'il y a une nécessité par rapport à, effectivement, à un moment donné, cette dissociation qu'il y a eu entre le faire et le savoir-faire. Je pense que depuis plusieurs années maintenant, on est beaucoup dans l'artistique, dans le discours, beaucoup dans la conceptualisation, ce qui est très bien, ce qui nous a beaucoup aidé à un moment donné, il nous a fait aller très loin. Mais je pense qu'on a perdu aussi un petit peu de vue la technique et la capacité à travailler avec des outils autres que sa propre pensée parfois. Donc je pense que de ce point de vue-là, c'est une manière en fait de faire tomber un petit peu aussi les murs qu'il y a entre les choses et de pouvoir revenir vers une plus grande... Transdisciplinarité. Oui. Je voudrais revenir un peu là, peut-être à l'un des jalons de ce lien qui se renoue dans l'art contemporain dans les années 60, à la fin des années 60, avec le projet Experimenting Art and Technology de Rauschenberg et Whitman. Et je voudrais vous soumettre cette citation de Rauschenberg qui est intéressante parce qu'on voit qu'il y a tout de même une pensée un peu utilitariste dans la volonté de se réapproprier des savoir-faire scientifiques. Rauschenberg dit : les ingénieurs deviennent conscients de leur rôle crucial dans le changement de l'environnement humain. Ce qui rejoint ce que vous venez de dire, Thierry Boutonnier. Les ingénieurs qui ont été impliqués dans les projets des artistes ont perçu la façon dont la perspicacité de l'artiste peut influencer ses directions et donner une dimension humaine à son travail. L'artiste désire, lui, créer dans le monde technologique pour satisfaire l'engagement traditionnel de l'artiste avec les forces pertinentes dessinant la société. La collaboration de l'artiste et de l'ingénieur émerge comme un processus sociologique contemporain révolutionnaire. Et on retrouve là aussi le versant politique de cette implication. Il y a peut-être un commentaire, Laurent Baridon. C'est effectivement un aspect très important et qui s'étend sur une très très longue durée. En fait, un des buts de la pratique artistique, c'est quand même de modifier les choses fondamentalement. C'est-à-dire de modifier les matières, de modifier les substances. Enfin, même quand un peintre fait un tableau de paysage, ou même un bouquet de fleurs, puisqu'on est à Lyon et qu'il y a une école de peintres de fleurs, eh bien, il pérennise finalement la fleur avec des pigments naturels. Donc, il fait changer tout simplement l'objet de matériaux pour lui donner d'autres propriétés. Il y a une sorte d'alchimie dans la pratique alchimique, bien sûr, de la Renaissance aussi, qui est liée à l'art, avec cette idée de faire changer les objets de matériaux pour leur donner d'autres propriétés. Alors, évidemment, le projet, il est politique, il est profondément politique, et c'est pas évidemment en peignant des fleurs qu'on y arrive, mais c'est plutôt en changeant, peut-être, Thierry Boutonnier est concerné par le végétal, mais c'est plutôt peut-être plus directement en changeant l'homme, c'est-à-dire qu'il y a, un fantasme, bien sûr, de la science à changer les conditions de la vie, à changer les organismes, et l'art aussi a cette volonté depuis toujours de faire des beaux corps, de faire des hommes plus beaux, plus grands, plus forts, en meilleure santé, etc., par une contamination visuelle, pour le dire un peu rapidement et simplement. Donc en fait, sur cet objectif de créer un monde meilleur par un travail de recherche, d'observation, d'hypothèse, d'expérimentation et de conclusion, c'est la méthode scientifique, la méthode expérimentale, eh bien, les artistes et les scientifiques se retrouvent, en effet. Donc, c'est pas, il n'y a pas de divorce, à mon avis, dans l'histoire entre art et science. Il y a des moments de crise, il y a des moments de reconfiguration, il y a des discours, encore une fois, qui écartent l'art de la science, mais dans la réalité, fondamentalement, je crois que art et science vont dans le même sens. Thierry Boudonnier ? Oui, sur la question de rendre meilleur, j'émets quand même aussi des réserves dans le sens où on a vu aussi ce que ça pouvait engendrer. Mais, bien sûr. Donc, il s'agit plutôt au contraire de, comme je le disais tout à l'heure, sur aiguiser la sensibilité, développer l'intuition, favoriser les échanges et permettre à ce qu'on soit prêt à accueillir l'autre et à essayer de reconnaître l'autre dans ce qu'il est autre. Et qu'il soit humain ou non humain, et développer des soies, tels que Edward O'Conn l'écrit très bien dans son livre que je suis en train de dévorer là, Voilà, comment pensent les forêts. Peut-être un mot pour revenir une dernière fois à ce manifeste de Rauschenberg qui marque tout de même une sorte de jalon hein, dans le postmodernisme, en tout cas dans l'art contemporain. On l'entend, hein, il dit la collaboration de l'artiste et de l'ingénieur. Il n'utilise pas le mot scientifique. Ça pose tout de même la notion de vouloir reprendre un peu le pas, une pensée un peu utilitariste ou pas du tout, Laurent Barénon? Oui, une pensée utilitariste, mais l'art est utile. Enfin, je vois pas le problème. C'est même si effectivement la théorie de l'art pour l'art disait que ce qui était utile était laid, mais l'art est fondamentalement utile. Ou alors ça sert à rien de faire de l'art. Enfin, ça aiguise effectivement des sensibilités. Ça touche peut-être davantage les individus. Donc personne par personne, individuellement, que la masse, mais c'est le moyen de transformation le plus certain. Donc effectivement, c'est utile. Moi, je reviens un tout petit peu parce que je veux pas lancer une polémique sans votre autorisation. Bon, allez, lancez-la, allons-y. Au contraire, mais moi, qui suis très vieux par rapport à mes jeunes voisins artistes, c'est vrai que j'ai été frappé parfois de voir des organismes qui convoquent justement des artistes et des historiens de l'art ou des philosophes en leur disant. Ben vous savez, le monde va beaucoup changer, les technologies vont changer, les gens vont devoir se déplacer moins vite, ils vont peut-être vivre un peu moins bien, parce qu'effectivement, les contraintes environnementales, etc., etc. Alors, il faut que vous nous aidiez à faire passer ça auprès des gens. Il faut que vous nous aidiez à les habituer à cette nouvelle façon de vivre. Il faut que vous créiez du discours pour que ça passe. Il faut créer des formes. Il faut donner envie. Vous parlez de désir et d'envie. Hein. Mm-hmm. Il faut donner envie aux gens avec pourtant un mode de vie qui va peut-être se détériorer légèrement, en tout cas sur certains points. Mm-hmm. Donc est-ce que c'est un peu ça que Thierry Boutonnier voulait dire tout à l'heure ou pas? Thierry Boutonnier, Léonore, intéressant. Est-ce que finalement le monde scientifique n'a pas besoin de l'artiste de manière un peu utilitariste, précisément pour l'aider dans sa démarche de vulgarisation. Dans le jeu d'acteur extrêmement complexe de qui manipule qui, je vais pas rentrer trop là-dedans, mais... Pourquoi manipulation, Thierry Boutonnier? On va pas servir un discours, on questionne. Et les artistes sont parfois peut-être convoqués pour... participer à questionner et à augmenter des possibilités de se représenter les choses autrement. Voilà. Après, qu'ils soient les suppôts du transhumanisme ou les suppôts du biopouvoir, il y aura un curseur à peut-être démocratiquement, en travaillant sur la démocratisation de la science et en partageant le plus possible des expériences artistiques avec des êtres qui peut-être n'étaient pas concernés, et permettre de faire peut-être politiquement des arbitrages qui favoriseront et qui permettront à chacun d'assumer davantage peut-être des choix. Mais je voudrais quand même préserver le point d'interrogation et le peut-être. Léonore Rey, sur ce sujet, sur le fait que les scientifiques aient besoin de l'artiste, que le scientifique d'aujourd'hui a besoin de l'artiste précisément pour les raisons qu'évoquait Laurent Baridon, parce que la crise est en cours, la crise est à venir, elle nous guette, elle est juste là, et l'artiste deviendra un média supplémentaire pour le scientifique. Oui, alors moi, j'ai jamais vraiment été confrontée à ce type d'expérience-là. Pour le coup, dans la démarche de Pierre-Huyck, quand on travaillait au studio, c'est nous qui allions chercher les scientifiques, en fait. Personne n'est venu nous chercher directement pour des collaborations. Donc, on s'est pas retrouvé confronté à ce type de questions-là. Après, je pense que c'est à prendre avec un peu de pincettes éventuellement, parce que c'est vrai qu'on peut être dans une instrumentalisation, pour le coup, pas de l'utilitarisme de l'artiste envers la science, mais potentiellement du scientifique envers l'artiste. Donc, je pense que ça peut être effectivement un sujet un peu sensible. Après, essayer de faire passer des messages, je pense que c'est compliqué dans les deux cas, mais même quand l'artiste essaye d'utiliser la science ou les techniques scientifiques pour faire passer un message, je pense que il faut... C'est une question, encore une fois, de partialité ou pas, quoi. On interrogera Thierry Boutonnier tout à l'heure sur son travail à ce sujet. Un mot, Laurent Baridon, vous voulez dire oui, un mot? Oui, non, mais pour dire effectivement, qu'il n'y ait pas de malentendu, je n'accuse pas les artistes de collaborer avec le biopouvoir. Pour être foucaldien, je ne suis pas non plus complètement rétrograde. Je crois effectivement que beaucoup d'artistes, justement, interrogent les progrès de la science dans le domaine génétique. Voilà, ce sont des œuvres très connues. Hein. Eduardo Cac, par exemple, avec son fameux lapin génétique, hein, modifié par une protéine verte fluorescente. Et on sait bien que cette œuvre est en fait très complexe, puisque c'est non seulement ce lapin Alba, je crois, hein, qui est modifié, mais c'est tous les débats qui suivent la réalisation de ce lapin, la réalisation entre guillemets, et puis est-ce qu'on relâche ce lapin ou pas, est-ce qu'il réintègre la nature ou pas, est-ce qu'il se reproduit, hein, et d'autres artistes aussi réfléchissent à ces modifications génétiques qui sont dans le champ évidemment de bioéthique en ce moment, hein, c'est un champ qui est débattu et que les artistes ont affronté très très rapidement en réalité. Donc beaucoup d'artistes ont une attitude politique, critique, très attentive, hein, sur ces questions-là. Voilà, donc je corrige un peu. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Like to take a sin and fix, be a standing cinema. Dress my friends up just for show, see them as they really are. Put a peephole in my brain, two new pets to have a go. I'd like to be a gallery, put you all inside my show. Andy Warhol looks a scream, hang him on my wall. Randy Warhol, silver screen, can't tell them apart at all. Andy walking, Andy tired, Andy take a little snooze. Tie him up when he's fast asleep, send him on a pleasant cruise. When he wakes up on the sea, he's sure to think of me and you. He'll think about paint and he'll think about blue. What a jolly boring thing to do. Andy Warhol looks as green, hang him on the wall. Il est 16h36, vous écoutez, ça me fait mal au cœur de parler sur David Bowie à chaque fois, mais bon, je vais m'y faire. C'était Andy Warhol de David Bowie. Nous sommes ici en direct à Lyon pour la Biennale d'Art Contemporain, en direct et en public de La Sucrière, qui accueille un certain nombre d'œuvres que je vous conseille d'aller voir, un magnifique espace d'exposition ici à Lyon. Et nous parlons donc tout au long de cette heure des rapports entre du dialogue, des dialogues, puisqu'ils sont multiples, comme nous avons pu l'entendre, entre l'art et les sciences. Nous en parlons avec Léonore Ray, Thierry Boutonnier, qui sont tous deux artistes, et Laurent Baridon, professeur d'art d'histoire de l'art contemporain à l'université de Lyon 2. Je vais m'adresser à vous, à me diriger vers vous, Léonore Ray. Vous nous avez parlé de vos travaux avec Pierre Huyghe, mais vous travaillez actuellement sur un autre projet qui est la mise en place d'une plateforme qui a vocation précisément à rapprocher les artistes et les scientifiques. Racontez-nous un peu déjà comment est né ce projet et en quoi consiste-t-il. Alors ce projet, il est né justement à l'issue des 2 années que j'ai passées au studio de Pierre Huyghe, où du coup on était amené, en tant que chargé de projet de production, à tenter de rencontrer des interlocuteurs qui pouvaient nous amener à aller un petit peu plus loin dans la pratique et dans la concrétisation de ces projets-là. Comme je disais, Pierre Huyghe, c'est un artiste qui travaille beaucoup avec le milieu scientifique, et du coup, c'est beaucoup, beaucoup d'heures passées à chercher des personnes parmi les articles scientifiques disponibles sur Internet, par exemple, qui pourraient effectivement être dans le sujet de la biologie, vraiment quelque chose de très précis à chaque fois, avec des idées très précises comme Pierre Huyghe peut les avoir. Donc voilà, ça prend beaucoup de temps à faire. C'est ensuite essayer de les rencontrer, de les contacter et de voir s'ils sont réceptifs. Ce qui, pour le coup, dans 90% des cas, était le cas en fait. Je me suis rendu compte qu'il y avait quand même une vraie bonne réception de la part des scientifiques et une envie de collaborer, tout à fait. Ce qu'on a fait d'ailleurs à plusieurs reprises. Et donc à l'issue de mes deux années au studio, quelques semaines avant de partir, j'en parlais avec Pierre Huyghe et du coup je lui parlais de cette envie de créer une sorte d'interface, un outil en fait pour les artistes, pour leur permettre de rencontrer ces interlocuteurs-là, de déjà les identifier en fait et de leur permettre de se dire bon bah voilà. J'ai un projet sur l'entomologie, j'habite dans tel pays, quel est le laboratoire éventuellement qui est prêt à collaborer avec des artistes et qui a du matériel à disposition, des équipes et des ambitions de ce côté-là. Et donc m'est venue cette idée de créer effectivement une plateforme qui s'appelle Porosity. Donc Porosity en français, porosité, c'est ce que ça veut dire finalement, c'est comment on peut faire tomber un peu les murs entre les arts, la science, les nouvelles technologies effectivement, puisque c'est un domaine vers lequel les artistes vont également de plus en plus. Et donc voilà, comme vraiment un outil de recherche pour les artistes qui leur permet d'économiser un petit peu ce temps-là, puisque tous les artistes n'ont pas de studio derrière avec des personnes aussi pour faire ces recherches, donc pour essayer de les aider un petit peu et de les accompagner dans cette démarche. Et vous parlez d'implémenter une forme de démarche scientifique dans un processus créatif, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez le sentiment qu'autour de vous, que dans l'art contemporain, il y a besoin de facilité, que vous avez rencontré des artistes qui vous ont dit bah oui, j'ai précisément du mal à rentrer en contact, que le dialogue, on parle pas tout à fait de la même façon, on n'a pas tout à fait le même discours, le même langage, donc il est parfois difficile de se comprendre, de communiquer, de transmettre ses envies. Oui, c'est sûr que les dialogues, les langages sont pas du tout les mêmes, je pense qu'il y a un vrai travail de médiation à faire entre les deux, donc ça s'apprend aussi un peu sur le tas pour les artistes, mais c'est vrai qu'entre la manière dont l'artiste va formuler ce qu'il souhaiterait faire avec des drosophiles et le scientifique derrière qui va expliquer comment ça se passerait vraiment dans la réalité avec ces animaux-là, par exemple, c'est vraiment différent. Moi, j'ai remarqué effectivement depuis ces dernières années qu'il y a quand même de plus en plus d'artistes qui s'orientent vers les domaines scientifiques et les nouvelles technologies, souvent sous la forme de petites résidences dans des laboratoires scientifiques ou dans des universités, des départements universitaires. Très peu en France, finalement. J'ai regardé quand même plutôt du côté de l'Allemagne. Mais j'ai quand même trouvé que les formes qui en résultent sont souvent des formes de laboratoire, en fait, où on remet une expérience qui a été faite en laboratoire. Enfin, la forme pêche un petit peu. On sent qu'il y a une limite quand même dans l'interaction. Mmh. Que ça reste un petit peu de la démonstration scientifique plutôt que d'une appropriation, mais dans un sens pas utilitariste non plus, mais une vraie appropriation, une sorte de voilà, de faire rentrer un peu sa pratique avec la pratique scientifique. On voit d'ailleurs fleurir hein, en France, entre autres, malgré tout, quelques lieux mixtes comme ça, des lieux qui sont des lieux ouverts de ce qu'on appelle le biohacking, hein, c'est-à-dire des paillasses ouvertes à n'importe qui et qui sont des paillasses ateliers où d'un seul coup la frontière entre les espaces de recherche et les espaces de création se trouble complètement. On entre dans des ateliers, j'en ai visité un certain nombre et je suis incapable de dire si je suis dans un laboratoire ou dans un atelier de création. Oui, alors je ne connais pas ces lieux. Eh bien, allez voir la paillasse à Paris, tout à fait, vous allez voir. Je regarderai. C'est un laboratoire participatif, je vous donnerai les coordonnées. C'est un endroit intéressant où vraiment il y a une volonté de rencontre et de mélange. Vous, ça, Thierry Boutonnier, vous avez oui, vu la, ce la type la paillasse à Paris, mais il y a aussi donc la paillassonne ici à Lyon et la mine. Il existe à Auxerre aussi d'autres. Et c'est voisin aussi de ces questions de Fab Lab, voilà, qui est notre manière de parler du fer, mais bon, en tout cas, on voit bien qu'explosent certaines catégories et un nuancier se développe entre l'art et la science à travers cette question du fer. Laurent Maridon, un mot sur ces nouveaux espaces mixtes qui sont des espaces de création intéressants où effectivement la science et la création artistique se mélangent, s'entremêlent de façon un peu indistincte. Alors, je pense que ça correspond en fait à une évolution assez logique depuis, je dirais, les années 90, c'est-à-dire qu'on a vraiment le développement de ce qu'un chercheur anglais qui s'appelle Stephen Wilson appelle l'art expérimental, hein, c'est une catégorie un peu générale, et surtout qui ne veut pas dire grand-chose, hein, mais parce que l'art est toujours un peu expérimental quand même, mais c'est bien l'idée d'expérimentation scientifique qui est présent ici. Et c'est vrai que, par exemple, si on regarde hein, le livre de Stephen Wilson qui s'appelle Art plus Science, qui est paru en 2010, on est un peu dérouté quand on est historien de l'art comme moi, c'est-à-dire qu'on voit des formes qui sont effectivement plus proches de monstres de laboratoire, peut-être, hein, pour caricaturer, que d'œuvre à proprement parler. Mais ce qui est intéressant, c'est bien sûr l'échange, c'est-à-dire c'est la circulation. En particulier quand un procédé de visualisation inventé par un artiste pour mettre en évidence un membre en trop dans une grenouille est repris par les scientifiques comme une image, et pas seulement une image artistique, comme font parfois les scientifiques hein, pour communiquer leur découverte, mais bien une image qui est heuristique et qui permet de repenser un petit peu les choses et de faire avancer en un certain sens la démarche scientifique. Léonoré, un mot sur cette plateforme Porosity, vous en êtes où? C'est complexe à monter, vous rencontrez des obstacles parce qu'on se demande finalement qu'est-ce que les scientifiques et les artistes ont à faire ensemble, ou est-ce que ça coule, ça roule tout seul comme sur un tapis de rose, pour faire le lien avec Thierry Boutonnier? En canot. En canot et rose, oui, ça c'est une autre référence. Écoutez, ça, j'espère que ça va couler bientôt. L'idée est née en juin 2016, donc c'est assez récent. Ensuite, on est toujours confronté, quand on arrive un peu tout seul comme ça avec une idée, à des questions financières. Donc pour l'instant, la plateforme en soi, elle a été bien affinée aussi pendant cette année, puisque je suis en rapport avec quelques laboratoires aussi, qui sont des laboratoires collaborateurs de longue date, et qui ont d'ailleurs, suite à notre prise de contact il y a 2 ans, avait monté une initiative Arrescience du côté de Montpellier. Donc, par exemple, comme quoi il y a quand même des envies. Mais c'est vrai que voilà, pour l'instant, il y a un petit obstacle financier que j'espère va être résolu bientôt. Et je pense par contre qu'elle verra le jour en 2018. Voilà. Au niveau international? Alors voilà, tout à fait. En fait, l'idée, c'est que c'est un projet qui peut vraiment s'ouvrir à l'international, puisque du coup, bon, dans un premier temps en France, mais je pense que ça peut aller très vite. On a quand même beaucoup de laboratoires à l'international de toute façon, des entreprises de nouvelles technologies qui pourraient être intéressées. Je pense que ça va être beaucoup de bouche à oreille aussi. Et pareillement, du côté des artistes, en fait, je pense que ça va prendre finalement assez vite, puisqu'il y a quand même une demande, je l'ai en tout cas expérimenté du côté des laboratoires et également d'artistes. Donc voilà. Thierry Boutonnier, vous travaillez depuis quelques mois sur un projet Aude Rose. Racontez-nous un peu d'où la transition. Précisément quelques années. Mais en tout cas, je voudrais remercier Léonore de penser, au-delà de sa propre pratique artistique, à partager son expérience et à développer des plateformes qui permettraient de faciliter, grâce à son expérience, les relations entre artistes et scientifiques. En ce sens, merci vraiment Léonore d'avoir ce projet. Concernant le projet Aude Rose, il est né d'un projet mère qui s'appelle Prenez Racine à Mermoz, qui s'agit de... Alors, dans ma description, je vais être assez buissonnant. Alors, je vous invite très vite à vous imaginer une arborescence. Aude Rose, boutonnier, buissonnant, voilà. C'est tout ça, on est dans un champ lexical parfait. Il s'agit de ramener un peu de douceur. Le projet Prenez Racine consiste à proposer aux habitants de parrainer des arbres, de choisir leurs essences. Est-ce que ces arbres deviennent des arbres diplomates entre la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre dans le cadre de rénovation urbaine? Et ces arbres sont transplantés temporairement, puis définitivement. Et ces arbres deviennent diplomates, c'est-à-dire qu'ils permettent de considérer l'habitant dans des situations de rénovation où la question de l'habitant est difficile. Très rapidement, face à des contraintes, on a proposé, puisqu'on était limité à un nombre d'arbres, de travailler sur des strates basses et de parrainer des pieds de rosiers de Damas. Et les rosiers de Damas ont la faculté de produire un parfum qui est très agréable lors de son épanouissement. La floraison. Lors de la floraison avec des abeilles. Et, mais aussi pour la distillation, parce qu'il y a des plantes à fleurs dont le parfum n'est pas très bon pour la distillation. Bon, en tout cas... Ce travail qui a été développé depuis novembre 2013 grâce à la MJC, la ENEC Mormoz, c'est important de parler de tous ces jeux d'acteurs parce que on voit qu'il y a au départ une pratique horticole, agricole, avec une expérimentation artistique pour changer un peu cette histoire du public. À ce que le public prenne conscience qu'il est co-substantiel du processus de création. Et petit à petit... Ce choix de la rose et de la rose de Damas est devenu parce que j'étais accueilli chez les habitants et qu'ils m'ont servi parfois du thé à la rose. Donc j'ai redécouvert l'eau de rose. C'était plus une simple expression. Loin de là, en fait. Bon, en tout cas, j'ai travaillé avec le laboratoire de biologie végétale de Saint-Étienne, le labo BVPAM, plantes aromatiques et médicinales. Alors, la personne de Sylvie Baudino-Kessard et de Jean-Claude Kessard, cette année... et qui ont accompagné, dans le cadre du projet Aude Rose qui est aujourd'hui présenté à la Biennale, et où on a planté 400 pieds de rosier sur différents types de quartiers avec le même protocole, mais on a augmenté l'idée que il y aurait un accompagnement scientifique qui permettrait de démocratiser un peu plus la connaissance qui se construit dans les laboratoires. Le laboratoire de BVPAM s'occupe de connaître l'origine du parfum de la rose. Et il y a quelque chose de très singulier dans la manière dont la rose synthétise son parfum. Et on a la chance, dans le territoire rhône-alpin, d'avoir des laboratoires qui s'intéressent à la rose avec beaucoup d'amour et de précision et qui sont reconnus internationalement. Donc je trouvais que c'était opportun d'arriver à les associer et à organiser, durant des distillations publiques en pied d'immeuble grâce à un alambic, d'organiser des conférences. On en a fait une à Givors. Et là, pour le week-end performance du deuxième week-end d'octobre, on va là aussi proposer autour d'une table où on partagera des mets à base d'eau de rose, d'échanger autour de ces différentes connaissances. Je voulais aussi finir avec cette dernière chose. Sur l'utilisation de l'alambic, l'alambic appartient aux habitants et c'est les habitants et leurs connaissances de l'alambic qui m'ont été transmises. C'est leur savoir-faire en termes de, avec la farine pour faire les joints, etc. C'est grâce à leur contact que j'ai appris à utiliser l'alambic. Voilà. C'est aussi cette question de partage des connaissances à travers une expérience artistique, agricole et scientifique. Un mot peut-être, Thierry Boutonnier, pour on entend bien ce projet global qui est le vôtre, que vous travaillez à vraiment différentes strates, hein, de la strate plus scientifique dans vos liens avec le laboratoire de biotechnologie végétale de Saint-Étienne, dans l'implication environnementale, écologique et la façon de ce maillage que vous essayez de reconstituer. Comment, à quel moment diriez-vous que vous avez eu là-dedans, dans cet espace-là que vous habitez, que, avec votre projet, une forme de démarche scientifique ? Alors, bon, déjà, tout à fait pratiquement, le laboratoire scientifique de Saint-Étienne m'a formé à utiliser un protocole de cueillette des fleurs pour pouvoir mettre ces fleurs dans de l'hexane et ensuite, grâce à la technique du chromatographe, permettre d'obtenir une signature de chacune des fleurs de chaque quartier. Ainsi, on a pu obtenir le terroir de Vaux-en-Velin, de Givors, de Rieux-la-Pape, exprimé par ces signatures dans le graphisme. Donc, ces graphismes, cet accompagnement scientifique, il est associé. Voilà. Et il favorise les échanges et permet de complexifier la question de la rose. Vous, on évoquait tout à l'heure la préoccupation, Laurent Baridon en parlait, la préoccupation environnementale, l'implication, le message politique que vous essayez de faire passer. Vous définiriez aujourd'hui votre art comme un art plus politique que scientifique ou politique parce que scientifique ? Alors politique parce que scientifique ou politique plus que scientifique Non, il n'y a pas de plus ou de moins. Non, parce que ça dépend des situations. Mmh. Voilà, il y a des situations où on va se retrouver à distiller un peu plus de science. Et d'autres situations, on va se retrouver à créer des réajustements qui ont une action et des conséquences inattendues à proprement politique. Bon. Je précise aux gens qui sont venus assister à l'émission qu'on cache honteusement vos travaux puisque les photos sont. Il y a des photos justement de tous ces stades de votre projet artistique ainsi que des petites bouteilles d'eau de rose. Vous pouvez juste nous en dire un mot de ces petites bouteilles qui sont toutes les mêmes ou est-ce qu'elles appartiennent chacune à une distillerie d'un quartier ou d'une installation particulière ? Oui, c'est ce que pour préciser. Donc à chaque fois, on a fait des distillations festives en pied d'immeuble dans chacun des quartiers. Et ces eaux de rose expriment des parfums très différents. Et on peut constater qu'en fonction du sol, on parlait du sous-sol tout à l'heure, en fonction du sol, en fonction de la lumière, en plus il y a des liens entre lumière et couleur, pigment de la pétale de rose qui sont assez intéressants, hein, sur comment à un moment la rose produit plus de parfums et à un autre moment plus de pigments, et comment c'est un lien avec les insectes. Et comment la terre nourrit pour synthétiser tout ça. En fait, c'est une danse d'amour que j'apprends à chaque jour grâce à ces fleurs que nous cultivons. Hein. C'est pas de la fleur coupée. Voilà, C'est de la fleur cueillie. Laurent Baridon, un mot sur cette démarche qui est une sorte de démarche totale. On n'est pas sur une œuvre, on n'est pas sur de la performance, on n'est pas sur de l'installation, on est sur une sorte d'œuvre manifeste, politique. Comment est-ce qu'on peut appréhender ce type de parcours artistique de Thierry Boutonnier ? C'est passionnant d'abord, il faut tout simplement le dire. Et puis c'est une œuvre pour moi, je ne sais pas si Thierry est d'accord, mais c'est une œuvre à part entière parce que justement elle est extrêmement globalisante et elle est à la fois scientifique, politique, sociale, enfin... Elle agrège beaucoup de dimensions. Et ben, une œuvre d'art, c'est ça. Hein, c'est quelque chose qui est effectivement complexe et qui englobe beaucoup de choses. Il nous reste quelques minutes. Je crois que quelqu'un dans le public a une question. Bonjour, jeune homme. Bonjour. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le livre de Jean-Marc Lévy-Leblond, « L'art n'est pas la science », dans lequel il dénonce un petit peu le fait que art et science, le dialogue art et science devient de plus en plus un poncif au fur et à mesure que le dialogue dure. Et alors, en gros, je me posais une question. Est-ce qu'on n'a pas un danger de glisser vers le kitsch, justement, à mettre sur le même plan, comme ça, l'art et la science, de confondre le rôle du scientifique et le rôle de l'artiste ? Alors, qui veut répondre ? Léonore Ray ? Non ? Oui, alors, je sais pas. Moi, je pense pas qu'on essaie de confondre des rôles, en fait. Je pense qu'il faut vraiment voir ça, encore une fois, comme le disait Thierry tout à l'heure, c'est le mot « avec » qui est essentiel. C'est vraiment travailler ensemble. C'est comme collaborer... Je sais pas, donnons un exemple. Vous êtes à la radio, parfois vous collaborez avec une équipe vidéo parce que du coup l'émission elle va être broadcastée en direct. Voilà, et du coup il y a besoin aussi de films et pas que de son. Je pense qu'il faut vraiment voir ça comme ça. En fait, l'artiste n'est pas et je pense n'a jamais été foncièrement ce personnage marginal de la société qui est en marge de toutes les autres pratiques qui ne sont pas considérées comme artistiques. Je pense que l'artiste est en capacité absolue de travailler avec des scientifiques, il est en capacité de travailler avec des ingénieurs, il est en capacité de travailler avec des radiophonistes, si toutefois il veut faire une émission artistique à la radio. En fait, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à voir qui est au-delà de l'instrumentalisation l'un de l'autre ou d'une espèce d'image brillante qu'on veut donner pour montrer qu'on est capable de travailler ensemble, mais qui n'est qu'une image. Je pense qu'il y a des vraies collaborations qui se font et elles sont essentielles, en fait. D'autant plus aujourd'hui, elles sont essentielles parce qu'on est quand même dans un pays et dans une société, une culture où on met des étiquettes sur plein de choses. On dresse des murs de plus en plus haut entre les choses et on est en 2017 et il est temps aussi d'abattre tout ça et de se poser les questions de comment travailler ensemble et avec et plus chacun dans notre coin avec nos petites techniques et nos capacités bien singulière. Laurent Baridon, la superposition de l'artiste et du scientifique, c'est le risque de tomber dans le kitsch. Oui, c'est peut-être un peu caricatural, mais ça pose la question, en effet, qui est quand même extrêmement valable et intéressante d'une démarche esthétique préalable. C'est-à-dire, est-ce que l'artiste doit d'abord se préoccuper de la dimension esthétique, d'une recherche d'un idéal esthétique, ou est-ce qu'il... Il a une démarche qui est peut-être plus proche de la science, en effet, d'expérimentation, qui le conduit ensuite à des choix, à des vérifications. C'est une question. Voilà. Après, moi, je pense que c'est toujours très dangereux de catégoriser comme ça très, très sommairement et de dire que c'est condamnable ça, de collaborer entre artistes et scientifiques. Thierry Boutonnier, pour conclure sur cette question. Oui, j'acquiesce énormément sur cette forme de condamnation qui limite et qui aide pas à penser, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire kitsch? Mais bon, c'est pas grave. Dans tous les cas, le tout, c'est comment ce kitsch est à ce point kitsch qu'on a envie de s'y intéresser et comment, après, en s'y intéressant, on développe autre chose, quoi. J'ai goûté des profiteroles à la rose. On aurait pu considérer... Est-ce que c'est un peu kitsch, les profiteroles à la rose, Thierry Boutonnier? Ça pourrait sembler comme ça kitsch, mais non, la situation, la manière dont c'est servi, partagé, comment ça développe, le goût, ce qui se passe dans le palais, etc. Enfin, du coup, c'est là où il faut décrisper la relation à l'art qui pourrait être trop cantonnée à des histoires de lecture de formes et des formes qui s'arrêteraient juste à un aspect de rétine, quoi. Ça va un peu plus loin. Eh bien, on va s'arrêter là. On ne va pas aller plus loin parce que l'heure tourne. Il est temps de mettre un terme à cette émission. Merci beaucoup. Laurent Baridon. Merci Thierry Boutonnier. Merci Léonore Ray. Merci à toute l'équipe de la Biennale d'Art Contemporain. Merci à l'équipe de la Sucrière de nous avoir accueillis. Vous pouvez retrouver évidemment cette émission ainsi que toutes les autres, le Journal des Sciences, sur le site de France Culture, de la méthode scientifique sur franceculture.fr. Voilà, et merci à toute la chouette équipe de la méthode scientifique. Antoine Beauchamp, Eve Etienne, Céline Lozen, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Hugo Bartholoméi, qui j'oublie, Elisabeth Biro à la réalisation. Merci à toutes les équipes techniques de Radio France qui sont ici, qui nous ont permis le duplex. Merci aux équipes de Paris. Voilà, dans quelques secondes, retour à Paris pour le magazine de la rédaction. Cette semaine, la face cachée du miracle allemand par Valérie Krova. Ce sera juste après les titres. Dans un peu plus d'une heure, le grain à moudre, eh bien, réunit son club comme chaque vendredi. Ce sera à 18h20 autour du thème « La droite est-elle dans l'opposition ?» Vaste question. La semaine prochaine, voilà ce que nous vous avons concocté dans l'équipe de la méthode scientifique. Lundi, nous en parlait de la schizophrénie. Mardi, il sera question des pulsars. Mercredi, de l'interface cerveau-machine. Je suis sûr que ça intéresse Thierry Boutonnier. Jeudi, nous parlerons des paléo mathématiques et vendredi, eh bien, ce sera notre table ronde consacrée à l'actualité des sciences et de la recherche. Voilà, on se retrouve lundi à 16h jusqu'à preuve du contraire.